Lettre 42e. Les vieilles filles. Il y en a beaucoup moins en France qu'en Angleterre. La raison. On a grand tort de mépriser les vieilles filles anglaises. Il y a plusieurs années qu'ayant occasion de passer quelques semaines à Paris, j'eus une conversation avec un Français au sujet des vieilles filles, et quoiqu'il y ait fort longtemps de cela, je crois devoir vous la rapporter parce que je viens par hasard d'apprendre un fait qui me l'a rappelé. Nous nous promenions dans le jardin du Luxembourg, et comme nous montions et descendions ces longues allées, la conversation tomba sur ce que ce Français appelait la triste destinée des femmes non mariées en Angleterre. Il en parlait comme d'un des plus funestes résultats que l'on peut imaginer de nos mœurs nationales. « Je n'ai jamais rien vu dans la société, dit-il avec beaucoup d'énergie, qui m'ait fait autant de peine que le grand nombre de femmes malheureuses que l'on rencontre en Angleterre, qui, bien nées, bien élevées, et parfaitement estimables, sont sans position, sans état, sans nom même, si ce n'est celui qu'elles quitteraient volontiers au prix de la moitié des jours qu'il leur reste à passer sur la terre. « Je crois que vous exagérez un peu le mal, répondis-je. Mais quand même cela serait ainsi, je ne vois pas en quoi les femmes non mariées sont plus heureuses ici. Ici ? » s'écria-t-il avec un accent d'horreur. « Vous imaginez donc réellement qu'en France, où nous mettons notre orgueil à rendre la destinée de nos femmes la plus heureuse qu'il y ait au monde, vous imaginez-vous réellement que nous souffrissions qu'une foule de jeunes filles malheureuses, innocentes, sans appui, tombent en quelque sorte de la société dans le néant du célibat comme chez vous, que le ciel les préserve d'un traitement si barbare. Mais comment pouvez-vous l'empêcher? Il est impossible qu'il n'arrive pas à des circonstances qui forcent plusieurs d'entre vos hommes à garder le célibat. Et si le nombre des personnes des deux sexes se balance, il s'ensuit naturellement qu'il doit y avoir aussi beaucoup de femmes non mariées. Cela peut paraître ainsi, mais au fait cela n'est pas. Nous n'avons point de femmes non mariées. Que deviennent-elles donc? Je n'en sais rien, mais soyez bien sûr que si une Française se trouvait dans cette position, elle se jetterait à l'eau. Je connais pourtant une personne qui se trouve dans ce cas, dit une dame qui se promenait avec nous. Mademoiselle Isabelle X est une vieille fille. Est-il possible? S'écria notre interlocuteur d'un ton qui nous fit tous rire de bon cœur. Et quel âge a cette infortunée Mademoiselle Isabelle? « Je ne sais pas précisément, répondit la dame, mais je pense qu'elle doit avoir considérablement dépassé la trentaine. C'est une horreur, s'écria-t-il de nouveau, puis il ajouta d'un air un peu mystérieux et à demi-voix. Croyez-moi, elle ne le supportera pas longtemps. » J'avais complètement oublié Mademoiselle Isabelle et son histoire, quand le hasard me fit rencontrer l'autre jour la dame qu'il avait citée comme le seul exemple restant d'une vieille demoiselle française. Causant avec elle de différentes choses qui s'étaient passées la dernière fois que nous nous étions vus, elle me demanda si je me rappelais cette conversation. Je l'assurai qu'elle m'était parfaitement présente. « Il faut donc que je vous raconte, me dit-elle, ce qui m'arriva environ 3 mois après notre promenade au Luxembourg. J'étais invité avec mon mari à aller passer quelques jours chez une de mes amies qui habitait la campagne, la même chez qui j'avais vu autrefois cette demoiselle Isabelle dont je vous ai parlé. Le soir, faisant une partie d'écarté avec notre hôte, je me rappelais la conversation à laquelle vous aviez pris part, et je demandais des nouvelles de cette demoiselle. « Est-il possible que vous n'ayez pas appris ce qui lui est arrivé ?» me dit-il. « Non, vraiment, je n'en sais rien. Serait-elle mariée ?»« Mariée ? Hélas non, elle s'est jetée à l'eau. » Quelque terrible que fût ce dénouement, il ne put faire sur moi l'effet qu'il aurait dû, après ce que j'avais entendu dire d'elle. Y eut-il jamais coïncidence plus étrange? Mon ami me dit qu'à son retour à Paris, elle fit part de cette catastrophe à la personne qui l'avait en quelque sorte prédite, et qui, lorsqu'on la lui raconta, s'écria « Grâce au ciel, elle est délivrée de son malheur ». Cet incident et la conversation qui en fut la suite m'engagèrent à prendre des renseignements, pour savoir ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ce que l'on m'avait dit. Or, il paraît qu'en effet, qu'il est fort rare en France de rencontrer une femme non mariée qui ait plus de 30 ans. L'arrangement d'un mariage convenable pour leur fille est de la part des parents un devoir aussi sacré que celui de l'envoyer en nourrice ou à l'école. Ces propositions d'alliance partent aussi souvent des parents de la demoiselle que de ceux du jeune homme. Il est évident que cela doit considérablement augmenter la chance d'un bon établissement pour la jeune personne, car quoi qu'il nous arrive aussi quelquefois d'envoyer nos filles aux Indes dans l'espoir d'arriver à ce résultat désiré, il y a bien peu de parents anglais qui soient allés jusqu'à proposer à quelqu'un ou au fils de quelqu'un de les débarrasser de leurs filles. Je n'ai pas le moindre doute que si la coutume était différente, si les droits d'une jeune personne à un établissement étaient indiqués par ses parents, au lieu d'être abandonnés au hasard d'être découverts ou non, je ne doute pas, dis-je, que plus d'un mariage heureux n'en fût le résultat. Et quand un arrangement de ce genre n'offre aucune idée d'inconvenance et n'est adopté que par suite de la coutume générale du pays, je conçois que la jeune personne regarde comme un privilège flatteur pour sa modestie de n'entrer pour rien dans toute cette négociation. Mais nos jeunes Anglaises consentiraient-elles facilement, pour éviter le danger de rester filles, à renoncer au droit d'attendre, dans la dignité du célibat, qu'elles deviennent l'objet du choix, de la présence d'un homme sur tout le reste de leur sexe, et de pouvoir répondre à sa demande oui ou non selon la fantaisie du moment? Si je ne suis pas dans une grande erreur sur le caractère national des femmes anglaises, il y en a fort peu qui voulussent échanger ce privilège contre l'assurance la plus positive d'obtenir un mariage par quelque autre voie. Je ne prétends pas décider ce qui vaut mieux, ce qui est plus sage ou même ce qui doit, selon les apparences, produire les plus heureux ménages, car j'ai entendu donner des raisons si plausibles, je dirais même si solides, en faveur de l'usage français, que la décision peut fort bien, selon moi, devenir douteuse. Mais quant à ce qui offre le plus d'agrément aux parties intéressées, je crois qu'il est impossible de nier que l'avantage ne soit tout entier du côté des Anglais et des Anglaises. Quelque désir que j'aie de croire que la France abonde en épouses tendres, constantes et fidèles, et en maris qui ne le sont pas moins, je ne saurais m'empêcher de penser que s'il en est ainsi, ce n'est point à cause de la manière dont leurs mariages se font, mais en dépit de cette manière. Le plus fort argument en faveur de la méthode adoptée en ce pays est sans contredit celui que, lorsqu'un mari reçoit pour épouse une jeune fille sans impression d'aucun genre, comme le sont toutes les jeunes personnes bien élevées en France, il a plus de chance, ou pour mieux dire, il est plus en son pouvoir, de se rendre complètement maître de son cœur que l'homme qui s'éprend d'une beauté de 20 ans qui a déjà, peut-être, entendu pousser des soupirs aussi tendres que les siens, par un amant qui, sans être en position de l'épouser, n'en avait pas moins un cœur pour l'aimer et une bouche pour le lui dire. Mais combien n'y a-t-il pas à mettre dans la balance contre ce seul avantage? Quelle que soit la tendresse qu'une Française éprouve pour son mari, il ne peut jamais s'aveugler au point de croire qu'elle l'a choisi par amour. Il arrivera à la vérité, parfois, qu'une jolie personne soit recherchée à cause de sa beauté. Mais si la demande est faite et acceptée sans qu'on la consulte, sa vanité ne sera pas même flattée de la préférence dont elle a été l'objet, et son cœur n'éprouvera certainement rien qui ressemble à de la tendresse. La force de l'habitude est si enracinée qu'il n'est guère possible qu'une des deux nations juge avec impartialité les coutumes de l'autre, sur un sujet si exclusivement réglé par cette habitude. En conséquence, tout ce qu'en ma qualité d'anglaise je me permettrai d'ajouter, c'est que je serai fâché de ne voir adopter la mode de nos voisins de France. J'ai toutefois des raisons pour croire que mon ami du Luxembourg a beaucoup exagéré ce qu'il m'a dit sur la non-existence des femmes célibataires en France. Il en existe, quoique certainement en moindre nombre qu'en Angleterre, mais il n'est pas aussi facile de les reconnaître. Chez nous, il n'est pas rare de voir de vieilles filles imiter les militaires qui prennent leur retraite avec un grade nominal. Ainsi, Miss Dorothée Tompkins deviendra Mrs. Dorothée Tompkins, ou quelquefois tout bonnement Mrs. Tompkins, pourvu qu'il n'y ait point de véritable Mrs. Tompkins pour lui disputer ce titre. Mais en aucun cas, je n'ai entendu parler d'une demoiselle dans cette position qui ait pris le nom de la veuve Tompkins. Ici, au contraire, on m'assure que le cas est bien différent, et qu'il n'y a que les proches parents et les amis intimes qui sachent réellement combien il y a de vieilles demoiselles dans une famille. Plus d'une veuve respectable n'a jamais eu de mari de sa vie, et l'on m'a affirmé de la manière la plus positive que le secret est souvent si bien gardé que les neveux et les nièces ne savent pas distinguer parmi leurs tantes les veuves des demoiselles. Ceci prouve du moins que le mariage est considéré comme un état plus honorable que le célibat, quoiqu'il ne faille pas en conclure pour cela que toutes les vieilles filles se jettent à l'eau. Mais avant de quitter ce sujet, il faut que je dise quelques mots au sujet des vieilles filles d'Angleterre. Je ne saurais exprimer combien je m'irrite quand j'entends parler avec dédain des femmes célibataires, ou quand je les vois traiter avec moins de considération et d'attention que celles qui par hasard sont mariées. La cruauté et l'injustice d'une pareille conduite doit sauter aux yeux à la moindre réflexion, mais quant à moi, son absurdité me paraît plus évidente encore. C'est, je crois, un fait notoire qu'il n'y a pas de femme, si ce n'est peut-être une princesse du sang, qui arrive à l'âge de 50 ans sans avoir pu se marier si elle l'avait voulu. Il est certain que plusieurs d'entre elles, qui ont eu ce pouvoir, n'ont pas pu en user, soit par quelque accident, soit par la tyrannie des personnes de qui elles dépendaient, mais il n'y a en cela rien de ridicule ou de méprisable. Mais une femme mérite bien moins de dédain encore si elle a eu la fermeté et la constance de préférer le célibat, parce qu'elle l'a considéré comme un état qui lui convenait mieux que le mariage. A dit en vrai, je ne connais rien qui prouve une âme plus élevée. Le ridicule qui accompagne le célibat des femmes est si bien connu, si grossièrement manifesté, qu'il faut une bien grande dignité de caractère dans une femme pour lui donner le courage de le braver, plutôt que de manquer à ce qu'elle croit juste et raisonnable. Ce que j'en dis n'est nullement dans l'intention de rompre une lance contre toutes les Françaises qui se sont soumises, bon gré mal gré, à devenir épouses, d'après l'ordre de leur père, de leur mère, de leurs oncles, de leurs tantes et de leurs tuteurs. Elles ont fait précisément ce qu'elles devaient faire. Et j'espère que toutes leurs filles si jolies et si calmes feront comme elles. C'est la coutume du pays, et l'on ne ferait pas bien de s'en départir. Mais puisque je traite ce sujet, et que je défends ici nos usages sous le rapport de l'importante affaire du mariage, je crois devoir aussi vous en faire remarquer le résultat. Il y a, sans doute, de l'avantage à permettre à nos jeunes personnes de faire connaissance avec l'homme qui veut devenir leur époux, avant qu'elles ne consentent à passer leur vie entière avec lui. Mais dans mon opinion, la supériorité bien plus grande encore qu'ont à cet égard nos usages consiste dans la protection qu'ils accordent à celles qui se décident à rester fille plutôt que d'épouser un homme qu'elles n'aiment pas. J'avouerai même que je regarde la classe des femmes non mariées comme une classe très importante dans la société. La liberté complète dont elles jouissent leur donne sur leur temps et leurs ressources un pouvoir qu'aucune autre femme ne peut posséder à moins d'être veuve sans enfant. Personne qui connaît à fond la société anglaise ne peut non plus nier qu'elle n'use de ce pouvoir de la manière la plus noble. Et si, dans cette classe, il s'en trouve qui aiment le jeu, la toilette et la médisance, il faut les traiter avec ni plus ni moins de mépris que les femmes mariées, telles qu'il s'en trouve aussi parfois qui aiment la médisance, la toilette et le jeu. Il m'est arrivé, et je pense que je partage à cet égard le sort de la plupart des gens, de rencontrer mes meilleures et mes plus fidèles amies parmi les femmes non mariées. Les liaisons que forment ensemble de jeunes personnes ne sont-elles pas presque toujours rompues par le mariage? Elles conservent l'une pour l'autre des sentiments de bienveillance, elles s'envoient une lettre de loin en loin, mais quand la mère inquiète veille à côté du berceau de son enfant malade, à qui s'adresse-t-elle pour trouver de la sympathie et des consolations, si ce n'est à sa sœur ou à son amie non mariée? Et ce n'est pas seulement dans la maladie que ses amis sont au nombre des plus grands bienfaits de l'existence. Elle ne manque à aucun devoir en accordant à la société leur temps et leur talent. Et il n'y a pas de famille en Angleterre qui n'ait dû ses moments les plus heureux à la personne de qui non seulement les talents leur appartiennent exclusivement, mais chez qui ces talents ont probablement acquis un bien plus haut degré de perfection que chez leurs amis mariés. Aussi, en dépit de notre ami du Luxembourg, je suis décidément d'opinion que, du moins en Angleterre, il n'y a aucun motif pour que toutes les vieilles filles suivent l'exemple de l'infortunée demoiselle Isabelle.